6-21, observation. Aimer le sport, faire du sport. Elle aime le ski. Elle fait du ski. Elle aime l'aviron. Elle fait de l'aviron. Elle aime la voile. Elle fait de la voile. Elle aime l'escalade. Elle fait de l'escalade. Notez que, après un verbe comme aimer, adorer, détester, le nom du sport est précédé de l'article défini, le, la, l'apostrophe. Et après le verbe faire, le nom du sport est précédé de du, de, l'apostrophe, ou de la.